cours numéro 12. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salat wa salam. Ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah amma ba'd. Famada akhadna fi darsina al-akhir? Total. Na'am. أخذنا باب الإسراء والمعراج. فما هو الإسراء؟ تفضل. الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا. أسري به. أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسري به صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم Il s'est déplacé du Masjid al-Haram, Mecca, jusqu'à Beit al-Maqdis, Jérusalem, sur le Buraq. Et al-Mi'raj, tafadhal. Al-Mi'raj, هي الذي عرج به نفسه الى فوق السماء. نعم, al-Mi'raj هو الصعود الى السماء. وتقدم معنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم Il a traversé le premier ciel, le deuxième ciel, il a akhri jusqu'au septième. Et dans chaque ciel, il y avait un prophète parmi les prophètes, alayhim as-salatu wassalam, jami'a. Fa ahl sunnah, ils ont cette aqida. Anna al-isra wa al-mi'raj, c'est haq. Limadha, l'anna on a des textes min al-Qur'an ou min al-sunnah. Et on avait précisé anna hadha al-isra wa al-mi'raj, tfaddal. نعم أسري به عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه باكم يديز بعض المنحرفين أن سك لام دو بروفيت عليه الصلاة والسلام أو سيتي أن غيف لا ما الدليل على هذا تفضل سبحان الذي أسرى أين وجه الدلالة من الآية؟ أن النبي على العربيون كانوا يعرفون فعل أسرية أن هي كلمة أسرية وتعجبوا لما الآية فيها شيء. Le verset que tu as cité est une chose qui montre أنه c'était pas un rêve. سبحان الذي أسرى بعبده. Ça, ça montre أن هذا العبد C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça nous montre que l'abd ça englobe son âme et son corps. Personne ne comprend min hadha al-kalam annahu c'est que son âme abdan. Et كذلك ماذا قلت زيد ان قريش لما سمعوا كفر قريش خبر النبي صلى الله عليه وسلم تعجبوا نعم فماذا لو كان لو كان أسري بروحه فقط ما تعجب أحسنت لو كان هذا في المنام si ça aurait été un rêve فلا شك أنهم ils auraient pas été étonnés ils auraient pas démenti ils se seraient pas moqués du prophète صلى الله عليه وسلم لأن un rêve c'est un rêve لكن quand ils ont compris qu'il avait vraiment voyagé lui-même عليه الصلاة والسلام en une nuit dans cette nuit il a fait l'aller-retour Et il est monté dans les cieux et la akhira fa ankaru dhalik iyadan billah fa ala kulli hal aqidatu al muslimin annahum yu'minun bi kulli ma jaa'a fi al kitab wa al sunnah tout ce qui est cité fi al quran wa fi al sunnah fa nu'minu bih et parmi ces choses al isra wa al mi'raj kadhalik ila siti rahimahullah al mu'allif une mas'ala ma hi tafaddal na'am رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل فقلنا أن الأئمة يستثت مسألة هنا لماذا؟ لأن إذن ستكم كم مسألة كم كيستيون إسكن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بي الله سبحانه وتعالى في المعراج أم لا خلاصة القول ما هو؟ كيسي كي بي غيزومي تفضل القول صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه برؤية قلبية نعم بفؤاده بقلبه سيساء الصحيح رأيت ربي قال النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس رضي الله عنهما قال رأى ربه مرتين. يتقدم معنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بي الله سبحانه وتعالى avec son cœur أي dans un rêve عليه الصلاة والسلام. أما الرؤية البصرية ففي الدنيا لا, في الآخرة نعم. Le prophète sallam et les croyants, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala avec leurs yeux. Et le jour du jugement, ils font le jannah. Amma avant la mort, fala. Falihada Aisha radiallahu anha, qalat, elle a démontré à celui qui prétend que le prophète sallam il a vu Allah, faqad kadab. Et il a menti. Et ru'ya basariya. Wa ibn Abbas radiallahu anhuma wa ghayruhu athbatu ar-ru'ya. Ils ont dit, le Nabi sallam il a vu Allah. Et avec le cœur. Donc, en fait, il n'y a pas de khilaf dans cette question, c'est-à-dire dans le temps des Sahaba. Ibn Qayyim, il a cité la parole de l'imam Darimi, il a cité l'ijma', l'unanimité, que les Sahaba, ils n'ont pas divergé sur cela. Allah Ta'ala a alam. Il a dit, et il croit أهل السنة ويؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا. Après avoir cité الإسراء والمعراج رحمه الله il a cité باب الشفاعة et traduit par l'intercession. هذا الباب تقدم معنا ولله الحمد في كتاب التوحيد وفي كتب أخرى. العلماء يسيت هذا الباب هنا أي في كتب العقيدة كذلك, أما في كتب التوحيد العلماء يسيت لماذا؟ لأن بعض الزائغين يعبدون الأموات أي prétendent que c'est من باب الشفاعة المشروعة, التوسل المشروع. فالعلماء يسيد باب الشفاعة كما فعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد pour montrer الحق في هذا الباب. أما في كتب الاعتقاد فالعلماء يسيد باب الشفاعة لأن بعض الضلال certains groupes égarés comme الخوارج والمعتزلة ils ont rejeté هذه الشفاعة. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. أولا الشفاعة لغة ضد الوتر, c'est le contraire du witr. في الاصطلاح et c'est ce qui est important هنا هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الواسطية. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة أي un intermédiaire il demande pour toi إما un bien إما pour te repousser un mal. فمثلا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم il va faire الشفاعة أي il va demander à Allah سبحانه وتعالى de faire rentrer بعض الناس directement au paradis. جلب منفعة, c'est une منفعة عظيمة. C'est un profit pour toi, un bien. فالنبي صلى الله عليه وسلم il fera cette شفاعة عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين ils feront الشفاعة pour que بعض المؤمنين ils sortent من النار. بعض المؤمنين ils rentreront في النار à cause de leur péché et النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يفعلون الشفاعة pour que هؤلاء يسقط دفع مضرة c'est pour repousser un mal. فالشفاعة c'est إما pour emmener un bien إما pour repousser un mal. وهذه الشفاعة لها شروط لأن كما تقدم معنا في دروس التوحيد أن كثيرا من الناس خلطوا في هذا الباب يدمون الشفاعة أدمار عيدا بالله. Et ils adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils pensent que هذا c'est min bab al-shafa'a, alors que c'est du shirk wadih. Et on citera نعم à la fin du cours inshallah شروط الشفاعة les conditions. أولا on commence par الأدلة قوله رحمه الله ويعتقد أهل السنة ويؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة. Ça c'est une sorte de shafa'a. Shafa'a, il y en a plusieurs. Yawm al-qiyama, il y en aura plusieurs. هذه الشفاعه elle est khassa bil nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-shafa'a al-uzma ou al-kubra, wa hiya al-maqam al-mahmoud qui est réservé exclusivement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le hadith أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في الصحيحين وفيه أنصت الشاهد أي on a déjà cité le hadith عن أنس رضي الله تعالى عنه dans plusieurs dros أن يوم القيامة tellement que l'attente elle sera longue et أهل الموقف les gens ils seront fatigués ils décideront d'aller voir l'Anbiya et ils vont commencer par Adam عليه الصلاة والسلام pour qu'il fasse un shafa'a et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala que les comptes y débutent. Adam il refusera, thumma ils iront voir Nuh, Nuh il refusera, il a akhiri hatta à la fin ils iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala kama fi al-hadith fayatuna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fayaqulun ya Muhammad anta rasulullah wa khatim al-anbiya وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه أي demandons au prophète صلى الله عليه وسلم الشفاعة. هذا رد على المشركين الخرافيين qui prétendent que tu peux demander الشفاعة aux hommes pieux. Là dans ce cas là النبي صلى الله عليه وسلم il est vivant وأهل الموقف ils sont vivants فإلى lui demande pour qui demande à Allah Azza wa Jal, et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est présent, il est vivant, il est qadr. Amma demander à un mort, Allahu a'lam bihalih, voilà, chacun, ça contredit les textes du Coran et de la Sunna. Ishfi' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu bih. Et on avait dit, al-shafa'a, c'est pour repousser un mal, ou apporter un bien. Fi hadha al-hal, c'est pour repousser un mal. Et l'attente, elle va être très très longue. Et ils seront fatigués. Il a arrêté. Ils demanderont au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fasse shafa'a, qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alayhi salatu wa sallam, fa'antaliq, fa'ati tahta l'arsh, fa'aqa' sajidan li rabbi azza wa jal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ira sous l'arsh et il fera sujoud. Et il se prosternera. Thumma yiftah Allahu alayya min mahamidihi wa husni thana alayhi shay'an لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقول يا محمد ارفع رأسك سلتعطى واشفع تشفع. كذلك في هذا الحديث يا دليل أن الشفاعة personne ne peut la faire que si Allah سبحانه وتعالى donne l'idn, l'autorisation اشفع تشفع أي intercède et Allah سبحانه وتعالى il accepte. أما ceux qui demandent à des morts, أولاً, ces morts, c'est des morts, donc ils ne peuvent pas entendre, ils ne peuvent pas répondre. Enfin, comment demander à un mort? Et ثانياً, on n'a pas une preuve comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il leur autorise de faire le shafa'a. فَلِهَذَا لَا يَجُوزُ. Cette demande, c'est très très grave. Demander aux morts, c'est du shirk. وَهَذَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. On l'a détaillé كثيراً dans les durus précédents. وَعَلَى كُلِّ حَالِ, cette shafa'a, c'est shafa'a al-uzma. Et il faut retenir plusieurs points. Naha li khassa bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fera shafa'a à ce moment. La preuve, c'est que Adam il refusera wa Nuh wa jami' al-anbiya alayhim as-salatu wa sallam. Thanian, cette shafa'a, elle est pour jami' ahli al-mawqif. Elle n'est pas que pour le mu'mini. Les comptes, ils débuteront pour tout le monde. Troisièmement, anna hadhi shafa'a ma ankaraha ahadun min ahli al-dhalal. Et tous ceux qui se prétendent musulmans, ils ont accepté cette shafa'a. Même les khawarij ou les mu'tazila qui ont rejeté les autres shafa'at, comme ça yati bi idnillah azza wa jalla. Donc, هذه c'est الشفاعه العظمى. فنؤمن بها. Et notre croyance, elle doit être ferme via que يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم il intercédera pour que Allah subhanahu wa ta'ala il juge l'ibad. وقوله رحمه الله revient maintenant ويشفع في المذنبين من أمته المذنبين يا أصحاب الذنوب العصاة فيخرجهم من النار بعدما احترقوا وهذه الشفاعة c'est la deuxième هنا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ مقبل رحمه الله في كتاب الشفاعة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي سدوزيام شفاعة أولا Elle n'est pas comme la première, elle n'est pas khassa pour le prophète alayhi salatu wasalam. Le prophète alayhi salatu wasalam, il fera shafa'a, et kadhalik, autre que le prophète sallallahu alayhi wasalam, min al-anbiya wal mu'minin al-salihin. Ils intercéderont kadhalik pour leurs frères. Thaniyan, cette shafa'a, elle n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas pour le kuffar, abadan. Elle est pour al-mu'minun, al-mu'ahidun, ceux qui sont morts à la tawhid, lakin, ils avaient des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala il les a châtiés afin de les purifier. Summa, ils rentreront fil jannah. Et une des causes, ça sera la shafa'a. Tout ça, bi rahmatillahi azza wa jal. Wa fi sahih al-Bukhari an Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala yakhruju qawmun minan nar bi shafa'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fayadkhuluna al-jannah yusammawna al-jahannamiyyin. Et هذا الدليل il est واضح ان قوم يسخطر من النار et la cause ça sera la shafa'a du prophète alayhi salat wa salam et ils rentreront fil jannah et ils rentreront après les autres al mu'minun as salihun qui sont rentrés directement fil jannah à ce moment ils seront déjà fil jannah lakin un qawm min al mu'minin un groupe parmi les croyants à cause de leurs péchés ils feront un séjour en enfer, yadam billah, thumma, ils sortiront et rentreront fil jannah. Et on les appellera al-jahannamiyoun. Ça vient de jahannam. Aïe, ha'oulaï, zetafi, jahannam. Wa anabi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qala rasulullah sallam, le hadith il est assez long, akhtasiru, yakuluna rabbana, kanu yassumun ma'ana, wa yusallun, wa yahujjun. Un groupe de croyants, يوم القيامة, ils diront à Allah subhanahu wa ta'ala, أن هؤلاء, un groupe parmi les croyants qui rentreront vers le nord, ils diront à Allah عز وجل, أن هؤلاء, ils faisaient le siyam avec nous, ils faisaient le salat avec nous, ils faisaient le hajj avec nous. Ça montre, أن هؤلاء, c'était des croyants. Malgré ces a'mal, ils feront un séjour vers le nord. Ça nous montre la gravité des péchés. وأن الإنسان لا يأمن من مكر الله. Ça c'est une sifat al-khasirin al-halikin, celui qui pense être à l'abri. Celui qui pense annahu il va rentrer fil jannah li annahu il a fait telle œuvre ou telle œuvre. Celui qui rentre fil jannah c'est bi rahmatillah. Les œuvres c'est une cause. Et كذلك ces œuvres Allahu a'lam ces œuvres qu'on fait est-ce qu'elles sont acceptées am la. كذلك il y a des choses qui annulent ces œuvres. Wal insan da'iman il demande al-thabat et al-salama et il fait des efforts. Wa yukthir min al-istighfar wa at-tawba. لأن تعلمون أن عذاب النار إليه شديد عذاب أليم الآن في الدنيا si tu te fais châtier ربما un jour ou deux jours ربما لا تصبر وتتعب فالله أعلم هؤلاء combien de temps ils vont rester avant cette shafa'a فالموفق c'est celui qui fait des efforts pour rentrer directement fil jannah. Al-Muwaffaq, c'est celui qui fait des efforts pour atteindre les hauts niveaux, les hauts degrés fil jannah. فهذا الحديث قالوا ويحجون فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. Ces croyants, ils rentreront fil nar pour aller chercher leurs frères. Et bien sûr, ils seront préservés, ils ne seront pas touchés par le feu. Tout ça, bi qudratillahi azza wa jal. Qala alayhi salatu salam, fayukhrijuna khalqan kathiran. Ils feront sortir minan nar un groupe très très nombreux de croyants. Qala, قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. Certains, le feu, il aura atteint au niveau de leur cheville, au-dessus de leur tibia, d'autres au niveau de leur genou. عياذا بالله. ثم ils sortiront. ولله الحمد. الحديث il est fait صحيح مسلم. On a cité ces deux hadiths, hadith Imran, pour montrer un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fera shafa'a. Et pour Ahlul Kaba'ir, ceux qui ont fait des grands péchés, ils n'ont pas fait de tawba, et Allah subhanahu wa ta'ala, il les punira à cause de ces péchés. Et ils sortiront si c'est des mouahidoun. Comme taqaddam. Kadhalik, on a cité hadith Abi Sa'id pour montrer que la shafa'a n'est pas réservée qu'au prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le hadith, il est clair, on a certains croyants, ils intercéderont pour leurs frères. Et il y a d'autres aqsam, d'autres catégories qu'on a déjà vues et qu'on étudiera, inshallah, dans d'autres livres. وَالَّذِينَ أَنْكَرُوا هَذِهِ الشَّفَاعَةِ أي la deuxième, أي في أهل الكبائر من هذه الأمة, c'est الخوارج والمعتزلة. À cause de leur mabda, باطل, à cause de leur عقيدة فاسدة. Et on l'a déjà cité, هذا. Qui c'est qui nous rappelle? لِمَاذَ أَنْكَرُوا هَذِهِ الشَّفَاعَةِ Hein, تفضل. هذه الشفاعة. هذه الشفاعة بالنسبة من يفعل الكبائر الكبائر الكبرى. عند من؟ الخوارج والمعتزلة هم يعتقدون أن من وقع في الكبائر يخرج في الجنة وفي جهنم ولا يخرج أبدا. أحسنت. أن الخوارج والمعتزلة يعتقدون أن الصاحب الكبيرة اللي مخلد في النار يكفرون بالكبيرة. Ils disent et ils prétendent que celui qui meurt et il a fait des grands péchés et il s'est pas repenti, il a pas fait de tawba, fait il sortira pas من النار. Cette aqida les empêche de croire en الشفاعه. لماذا؟ لأن si ils acceptent cette شفاعه, أن العصاة, ils peuvent sortir من النار, ils sortiront من النار s'ils sont morts à la tawhid. Ça va impliquer que celui qui meurt et qui a fait des grands péchés, tant que c'est un mouahid, même s'il n'a pas fait de tawbah, ça reste un croyant. Les ceux qui rentrent fil jannah, c'est que les croyants. Fa'iyadun billah, ils ont rejeté hadith shafa'a pour pas contredire leur égarement. Et les hadiths, ils sont clairs. Lakin, iyadun billah, al-hawa wal-inhiraf. L'égarement et les passions, warubama wahid, pour ne pas se contredire, pour pas admettre qu'il avait tort. Enfin, peut-être qu'il rejettera un délil, ayyadun billah, pour rester sur son avis et faire croire qu'il a raison. Alors que l'insan, il peut se tromper. S'il y a un délil et il contredit ce que tu penses, reviens au délil. Et ne crois pas que c'est un rabaissement. Abadan. Ça montre la sincérité de la personne. Il s'est aperçu qu'il avait tort et il est revenu. Malbar, à cause des passions, là. Ba'dhum, ils rejettent les preuves clairement et ba'dhum, ils les interprètent à leur manière pour que ça corresponde à leur égarement. Ayyadun billah. La solution pour ne pas tomber dans cet égarement, c'est l'ikhlas, la sincérité. Et demander à Allah Azza wa Jalla al-thabat. Et l'insan, urda li al-zalal wa al-khata. On n'est pas à l'abri, on peut tous se tromper, on se trompe tous, on peut ne pas comprendre. Lakin, la sincérité, ça permet aux musulmans de délaisser sa parole et revenir à la vérité. Kaza, aller comprendre ces textes comme ils les ont compris, as-salaf. As-salaf, ils n'ont pas rejeté cette shafa'a. Abadan. Voilà, les jumeaux, as-salaf, ils ont accepté toutes ces shafa'at. Walillahi alhamd. Baqiya shurut as-shafa'a bi-ikhtisar, on les a cités dans le kitab Tawhid, ou fi al-qawaid al-arba' et dans d'autres durous. فالشفاعة للشفاعة شرطان, deux conditions. La première, l'idn, et la deuxième, الرضا, يعني الشافع والمشفوع. أما الإذن فقوله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, أي pour que الشفاعة soit acceptée, il faut qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne l'autorisation. تقدم معنا الحديث ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. النبي صلى الله عليه وسلم il a demandé, il s'est prosterné, il a demandé à Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a accordé. Il lui a dit, lève la tête et demande. Le deuxième شرط, la deuxième condition, الرضا عن الشافع والمشفوع. الشافع والمشفوع, il faut que ça soit des موحدون, مسلمون. أما الله سبحانه وتعالى, il accepte pas شفاعة الكفار. Et كذلك, الكفار, ils peuvent pas bénéficier de الشفاعة. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. الله سبحانه وتعالى, il accepte, il aime التوحيد. إلى الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. قال عز وجل وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين المشركين, الظلم هنا هو الظلم الأكبر. فالمشرك الكافر يوم القيامة il peut pas faire الشفاعة et il peut pas recevoir الشفاعة يدن بالله. Ça nous montre l'importance de التوحيد. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم il lui a répondu, من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Ça nous montre أن الشفاعة c'est que pour أهل التوحيد. أما الكفار من يهود ونصارى ومشركين وملحدين, ils ne peuvent pas faire shafa'a et même baba ou là, ils ne peuvent pas bénéficier de cette shafa'a. Et tout ça, walillahi alhamd, on l'a détaillé ensemble kathiran dans d'autres durous. Thumma qala rahimahullah, thumma l'iman bi anna li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hawdan taridhu ummatuhu kama sahha anhu wa annahu kama bayna adan ila amman al-balqa. فهذا الباب باب الإيمان بالحوض, كذلك العلماء يذكرونه. لماذا؟ لأن دي تكست كلير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كي مونتر أن يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يلغى حوض. كذلك بعض أهل الضلال إذن رجتي هذا عياذا بالله كالمعتزلة. Al-Mu'tazila, c'est des aqlaniyoun. Tout ce qui contredit leur raison, ayyadan billah, ils n'acceptent pas, même si un texte. C'est pour ça qu'ils ont rejeté sifat Allah Azza wa Jal. Kadhalik, kathir min umur al-ghayb, comme l'hawd, comme adab al-qabr, comme al-ru'ya, ila akhir. Falihada, l'ulama, ils insistent. Et ils ont écrit des livres avec l'aqida. Et ils ont cité ces masail avec des preuves claires pour que le mu'min, il reste sur l'aqidah des salaf, aqidah al-rasoul alayhi salatu salam, aqidah al-sahaba, aqidah de jami' al-anbiya. Et parmi ces points, al-hawd. Qala al-imam al-safarini rahimahullah, wal-hawd, wal-kawthar, thabit bin nas, wa ijma' ahli sunnati wal-jama'ah, hatta addahu ahli sunnah fi al-aqaid al-diniya li ajli al-rad ala ahli al-bida' wal-dalal. هذا نقل الإجماع l'unanimité des سلف أنهم يؤمنون بهذا الحوض. الحوض c'est un bassin, مجمع, un rassemblement d'eau, ce qu'on appelle un bassin. فيؤمنون بهذا l'unanimité. Et كما قال رحمه الله أن أئمة السنة استت هذه المسألة من باب الرد على المبتدعة الضلال كالمعتزلة qui ont rejeté الحوض à cause de leur passion. Et on peut citer min al-adilla ala al-hawd hadith Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu qala sallallahu alayhi wa sallam inni faratukum ala al-hawd man marra alayya shariba wa man shariba lam yadhma abada qawluhu inni faratukum ay sabiqukum ay je suis nabi sallallahu alayhi wa sallam qala je suis le premier qui sera vers le Hawd, qui se dirigera vers le Hawd. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sera à côté de son bassin avant les croyants. Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah, fi sharh muslim, il a expliqué que le farit, huwa alladhi yataqaddam, inni faratukum, al-farit, c'est celui qui devance les autres. Et il a expliqué que le ma'na, wallahu a'lam, qawluhu faratukum ala al-Hawd, sabiqukum ilayh, kal-muhayyilah. Vu que c'est son haut, alayhi salatu wasalam, fa ka'annahu, il va devancer tous les croyants pour les accueillir. qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam va recevoir des invités et il est croyant. Il va les recevoir عند الحوض et ces croyants ils buvront min hadha al-hawd. Les croyants buvront de ce bassin. قال عليه الصلاة والسلام من شرب لم يظما أبدا. الحكمة العظيمة أن يوم القيامة تعلمون أن le soleil sera très très proche, l'attente elle sera longue. Les croyants, parmi les récompenses qu'ils auront, أنهم يرجعون le prophète صلى الله عليه وسلم عند هذا الحوض. كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. Quand il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, يا رسول الله, où est-ce que je pourrais te retrouver يوم القيامة? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit عند الحوض, à côté du حوض. Ça, c'est une récompense azim. Et كذلك, les croyants, ils buvront min hadha al-hawd. À partir de ce moment, ils n'auront plus jamais soif. Ils buvront la chaque fil jannah, de l'eau, des boissons, ila akhiri. Lakin, ça ne sera pas pour la soif, ou à cause de la soif. Là, ça sera par plaisir. Le hadith, il est wadih. Ana faratukum ala al-hawd. مع هذا الوضوح الحديث في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم تتروه بعض أهل البدع يقول لا pour eux ça rentre pas dans la raison هذا الحوض وهذا الحوض il est موجود الآن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a vu كما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a démontré أنه il voit الحوض الآن فنحن نؤمن بهذا قوله رحمه الله وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء عدن c'est une ville au sud du Yémen c'est au sud de la péninsule arabique عمان البلقاء عمان c'est l'actuelle capitale de la Jordanie في بلاد الشام هذا c'est pour montrer la distance de ce حوض من عدن إلى عمان الله أعلم ça fait combien de kilomètres, lakin c'est très très grand. وروي من مكة إلى بيت المقدس. Une autre riwaya, النبي صلى الله عليه وسلم قال من مكة, أي la distance de ce حوض, de مكة jusqu'à بيت المقدس, Jérusalem, كذلك في الشام. وبألفاظ أخر. فهنا في الحقيقة il y a plusieurs hadiths. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité plusieurs hadiths dans certains hadiths San'a, dans d'autres Hadramout, dans d'autres Aden, dans d'autres Mecca, il a akhiré. La haqiqa, c'est pas des hadiths qui se contredisent. Al-ulama, qalu, wa minhum al-imam ibn Kathir, rahimahullah, vi al-bidaya wa al-nihaya, ikhtilaf li tahdid, ou ikhtilaf tahdid al-rasul sallallahu alayhi wa sallam, bi hajmi al-hawd toulan wa ardan, لاختلاف المخاطبين تقدم معنا هذا في الشرح اللامية أن النبي صلى الله عليه وسلم il a cité plusieurs exemples plusieurs villes pour démontrer la distance لكن avec différents exemples مثلا عدن عمان et un autre hadith مكة بيت المقدس لماذا لأن par rapport à la personne qu'il avait en face de lui عليه الصلاة والسلام بعض الناس connaissait plus la distance مثلا de Aden jusqu'à Amman d'autres connaissaient plus de Mecca jusqu'à Jérusalem لماذا لأنهم ils avaient l'habitude de faire du commerce إلى آخره فالنبي صلى الله عليه وسلم à chacun lui cite un exemple qu'il va comprendre فلهذا tu trouves plusieurs riwayats فإلا هذه الحديث فكثير منها sont في الصحيحين c'est des hadiths clairs qui sont authentiques لكن ne pas penser qu'il y a une contradiction là. قال فحدد لكل بالأمكن التي يعرف تستفيد من هذا من فائدة عظيمة أن تتكلم مع الناس بما يفهمون فالنبي صلى الله عليه وسلم pour se faire comprendre il citait à chacun un exemple pour qu'il comprenne على كل حال la distance elle est énorme des milliers de kilomètres de Aden jusqu'à Amman, Allahu a'lam combien de milliers de kilomètres, environ 3000 kilomètres, ça c'est énorme pour un bassin. Wa qawluhu rahimahullah, ma'uhu ashadd bayadan min al-laban wa ahla min al-'asal wa akwabuhu 'adad nujum as-sama'. Hada c'est pour montrer wasf les caractéristiques de ce bassin et comment il est. On a la distance, elle est très très grande. Et كذلك, في هذا الحديث, وصفه. قال رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي. و celui qui veut des détails sur ces hadith et كثير منها sont صحيح ففي الحاشية. On peut citer hadith أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ماؤه أشد بياضا من اللبن أي l'eau de ce bassin, l'eau elle est aussi blanche que le lait. قال وأكوابه أو قبل ذلك نعم من اللبن وأحلى من العسل. Et cette eau elle est aussi sucrée que le miel. وفيه أيضا dans ce hadith والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء. الآنية c'est les récipients, أي les verres. تقدم معنا أن les croyants quand ils passeront devant ce haoud ils buveront. أنيته أي les verres qui seront à disposition pour les croyants ils seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. C'est une ni'ma عظيمة. والمؤمن il n'oublie pas في دعائه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من هؤلاء. Qu'il ne fasse pas de ceux qui seront repoussés من الحوض عيدا بالله. فهناك بعض الناس يوم القيامة عيدا بالله ils seront repoussés. Ils seront repoussés من هذا الحوض. Ils s'approcheront et ils seront repoussés par le malaïka كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى عرفتهم اختلج دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك رواه البخاري ومسلم. هؤلاء seront repoussés. لماذا؟ لأن la cause elle est citée في الحديث لا تدري ما أحدث بعدك لأنهم ils ont changé, ils ont modifié عيادا بالله الدين. Ils ont délaissé سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يفهم من هذا الحديث أبدا أن هؤلاء c'est des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام كما يقول أهل الزيغ والإلحاد والضلال الرافضة أخزهم الله. الرافضة ils se servent de مثل هذه الأحاديث أي في المطرودين عن الحوض pour prétendre que as-sahaba radiyallahu anhum ou certains d'entre eux ils ont modifié, ils ont changé ad-din après la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Et ta'lamoun anna ar-rawafid c'est des mujrimoun, mushrikoun, khubatha et ils détestent les compagnons du prophète alayhi salatu wasalam. Fa al-mu'min as-sunni il ne comprend pas abadan min hadha al-hadith anna أن ceux qui sont visés c'est les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. أبدا les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم c'est أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل c'est أفضل الأصحاب c'est eux qui ont secouru النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله. Ils ont fait beaucoup de sacrifices, ils se sont accrochés à la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم jusqu'à leur mort. فليس accuser بهذا c'est من الإنحراف, ça fait partie de l'égarement. قال الإمام القرطبي رحمه الله في التذكرة قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله عز وجل ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. Ceux qui seront repoussés عيدا بالله c'est ceux qui ont délaissé le din. C'était des musulmans ثم عيدا بالله ارتدوا, ils ont apostasé. أو ils ont délaissé سنة, ils ont inventé في دين الله عز وجل. قال وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفرق سبيلهم كالخوارج والروافض والمعتزلة. انتهى باختصار يسير إلى ستة trois groupes, الخوارج والمعتزلة والروافض. هؤلاء لا شك أنهم يسرقون. لماذا؟ لأنهم بدلوا. الخوارج كفروا المسلمين, ils se sont rebellés contre les gouverneurs, ils ont versé le sang, ils font sortir leurs frères de l'islam, ils sont injustes. Al-Mu'tazila كذلك انحرفوا, ils ont délaissé les textes, ils ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait passer leur raison iyadan billah avant les textes et ils se sont égarés dans beaucoup de sujets fil aqida wa fi ghayriha. War-Rawafid c'est des kafara bil ijma', annahum ils ont accusé Aisha radiyallahu anha bil fahija alors qu'elle a été innocentée fil Qur'an al-Karim. ils accusent Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, et ils les font sortir de l'islam. Et yukaffiruna akthar as-sahaba, ils prétendent que hadha al-Qur'an il a été falsifié. Wa yushrikuna billah, ya'buduna al-amwat. Et yaf'aluna kathir min al-fawahish, fa ha'oula la ashak annahum yassurun, repoussés. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi. أما المنكرون للحوض فكما تقدم المعتزلة وكذلك بعض المعتزلة وكذلك الخوارج عيدا بالله et tout ça inshallah c'est détaillé dans des livres qui sont un peu plus vastes que هذا الكتاب. أخذنا deux باب, on a lu ensemble dans ce dars deux chapitres, الشفاعة et الإيمان بالحوض, فالحمد لله.